La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Au sujet de France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours de Pierre-Étienne Ville que nous suivons actuellement porte sur les ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre. Derrière ce titre un peu austère se cachent toutes sortes d'histoires incroyables et palpitantes qui nous permettent de connaître les enjeux politiques, économiques, militaires et techniques de la Chine entre la fin de l'Empire et la Deuxième Guerre mondiale. Car l'enquête très savante de Pierre-Étienne Ville s'écoute comme un véritable roman historique dont les protagonistes sont devenus, pour certains, des personnages héroïques de référence nationale. Ainsi, par exemple, existent en Chine, aujourd'hui encore, de nombreux petits livres qui sont en quelque sorte des récits exemplaires, et bien sûr très partiaux, des vies des héros révolutionnaires qui font référence, témoignage à l'appui, à ceux qui ont reconstruit le canal Tinhue, indispensable à l'irrigation, pour combattre les famines dans la province du Shaanxi. C'est autour de la reconstruction de ce canal et en analysant de près ce qui s'y est passé que Pierre-Étienne Ville construit son cours. Hier, Pierre-Étienne Ville nous a parlé des documents chinois qui servent de source à ses recherches et notamment d'une revue hebdomadaire qui mêlait recherches esthétiques et enquêtes sur le terrain au moment de la Grande Famine de 1928. Mais bien entendu, il y a aussi les journaux de l'époque, les enquêtes officielles qui ont laissé des traces écrites et aussi la masse des souvenirs qui furent consignés. Il y a encore une autre source que je voudrais signaler, qui n'est peut-être pas unique en son genre, mais qui se trouve avoir été rééditée dans la grande collection de matériaux historiques sur la Chine moderne, publiée à Taïwan dans les années 60. Par Wenhai Chubanshu, enfin, que connaissent tous les sinisants, et dont j'ai une copie, mais que je n'avais pas encore examinée. Il s'agit d'un texte en fait assez long, de 160 pages à peu près, dont la réédition ne précise d'ailleurs pas, cette réédition donc dans lequel je l'ai vu, ne précise pas le lieu original de publication, mais il y a une préface datée de 1931 à Shanghai, et l'auteur est un certain Fang Tianguo, dont j'ignore tout, mais on peut voir, il ressort du texte lui-même, que d'abord il était lui-même un natif du Nord-Ouest. Il ne précise pas si c'était du Shaanxi ou du Gansu, mais je soupçonne que c'est du Gansu, parce que c'est de là que viennent ces descriptions les plus précises et aussi les plus urgentes. On peut aussi voir qu'il a vécu dans la région, enfin c'est ce qu'il dit, pendant les années 20, et enfin qu'il affirme avoir été largement témoin de ce qu'il raconte, et pour être plus précis, des horreurs qu'il raconte. Et le titre de cet ouvrage, donc, est les matériaux historiques des 10 dernières années dans le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, en l'occurrence, c'est une notion assez large, puisque en plus du Shaanxi et du Gansu, il est beaucoup question du Henan, qui n'est pas vraiment dans le Nord-Ouest, mais qui, pour des raisons politiques, appartenait au même ensemble aux yeux de l'auteur. De toute façon, ce titre est un peu trompeur, dans la mesure où les matériaux, proprement dit, je veux dire, où les documents cités tels quels, sont dispersés au milieu d'un texte qui est tour à tour ou tout à la fois descriptif ou alors narratif et toujours violemment polémique. En outre, ces matériaux, par leur accumulation et par leur répétitivité même, ont une fonction, je dirais, rhétorique dans ce texte plutôt que réellement analytique, dans la mesure où ils permettent à l'auteur de donner plus de force à ses propos en les appuyant sur une masse de témoignages tous plus terribles et plus désespérants les uns que les autres. Donc, il parsème son texte d'extraits plus ou moins étendus de rapports et de témoignages. Par exemple, il traduit les passages d'un rapport de John Baker, Ce responsable de la CIFRC dont j'avais parlé et qui avait circulé donc au Shaanxi pendant le terrible été 1930. On y trouve aussi des requêtes au gouvernement, des télégrammes, des communiqués, des lettres, etc. Un tableau résumant les données sur la famine au Gansu, endroit par endroit. Et enfin, dans la dernière partie du texte, et c'est pas nécessairement le moins intéressant, on a ce qu'on pourrait appeler des documents littéraires, c'est-à-dire des poèmes, des ballades, des complaintes, etc., qui offrent autant de variations sur le thème des misères du peuple, des misères endurées par le peuple. Et au passage, il est intéressant de noter que ces productions versifiées prolongent une vieille tradition de ce que j'appelle parfois poésie sociale, qu'il faut peut-être faire remonter au grand poète Tufu à l'époque des Tang, et dont on trouve d'innombrables exemples, parfois quasi identiques à ce qu'on lit donc dans cet ouvrage de 1931, d'innombrables exemples d'une dynastie à l'autre. Sous les Qing, par exemple, il y en a des pages entières de ce genre de poèmes sociaux sur la misère du peuple, des pages entières dans une anthologie que j'avais un peu utilisée à l'époque où j'étudiais la famine, le problème de la famine à la fin de l'époque impériale, qui s'appelle dans son titre original le Han Chao Shu To. C'est-à-dire, c'est un recueil d'eau, c'était une espèce de claquoir que utilisaient des gens qui se promenaient en chantant dans les rues. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et Hong Chao, c'est la dynastie régnante, bien sûr. Donc c'est une compilation qui a été réalisée dans les années 1860 et qui rassemble des poèmes, des poèmes de l'époque des Qing tout entière. Shedo. Et qui a été réédité en Chine, en Chine populaire, avec cette manière exaspérante de remplacer dans les titres Hong Chao par Qing, comme si c'était encore du légitimisme de dire Hong Chao, comme disaient les gens à l'époque de la dynastie. Donc le Qing Shedo, qui est un ouvrage assez répandu, et donc dont l'auteur s'appelle Zhang Yinchang, et c'est extrêmement riche et intéressant. Il était un lettré fonctionnaire, d'un modèle, je dirais, tout à fait standard. Et il arrive que ces poèmes, que cette littérature ait une certaine force, même si elle est très encombrée de clichés et de formules toutes faites, et même si ce n'est pas en général de la grande poésie. C'est souvent extrêmement pédestre. Mais du fait même de sa propension aux clichés, cette littérature ou cette poésie a rarement une valeur véritable documentaire, même lorsqu'il s'agit... du fait que c'est toujours des généralités, donc véritablement documentaire, même lorsqu'il s'agit, pour mentionner un format qui n'est pas rare en général dans la poésie, disons, de circonstances, lorsqu'il s'agit d'un poème se référant à un lieu et à une date précis, et accompagné d'un petit commentaire explicatif, donc qui situe les choses. Alors, et tous, ce ne sont pas des sources historiques pour autant. Cela dit, ces descriptions et ces déplorations sur les malheurs du temps, mises en vers, ne doivent pas non plus être tenues pour de purs exercices de style. Même lorsqu'elles émanent de membres de l'élite sociale, elles expriment bien souvent une sensibilité réelle à la cruauté de la société et à la vulnérabilité des petites gens, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Et, en dépit de ce qui peut facilement apparaître comme une rhétorique convenue, elles possèdent, ces pièces, du fait même de leur existence, une authentique valeur dénonciatrice. Et c'est bien pour cela que, pour y revenir, Kang Tianguo en a annexé un généreux échantillon à la fin de son essai, un échantillon dont la majorité se conforme, comme je le disais, à ces modèles traditionnels qu'on trouve par exemple dans le Qing Shuo, bien qu'on y trouve aussi quelques poèmes en baïrois, donc en langue parlée, de style contemporain, et même à la fin, quelques chansons de soldats ou quelques chansons de bandits qui reflètent une psychologie, il faut le dire, un peu sommaire. Mais encore une fois, ce que j'appellerais peut-être la narration polémique est de loin ce qui domine dans ce texte foisonnant, quelque peu désordonné et en outre passablement répétitif. Essentiellement, le message martelé par Kang Tianguo, c'est que si la crise économique, sociale et démographique, mais aussi morale, dans laquelle s'enfoncent non seulement les provinces du Nord-Ouest, mais en fait la Chine tout entière, si cette crise donc est sans aucun précédent historique et ne semble pas à l'époque où il écrit avoir d'issu, eh bien, les principaux responsables, bien plus que les accidents du climat, ce sont les seigneurs de la guerre et leurs armées, leurs exactions sans fin, leur total cynisme, leur brutalité, qui ont pour conséquence la destruction complète du tissu socio-économique, la fuite des habitants, le banditisme généralisé, et ainsi de suite. Si bien que Krankengo termine son ouvrage sur un appel, à vrai dire assez platonique, aux habitants du Nord-Ouest pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils s'unissent et qu'ils éliminent ces personnages qui ne méritent même pas le nom d'homme. Car ce n'est qu'une fois qu'aura disparu cette culture de mort et de destruction, dit-il encore, que la Chine aura la moindre chance de retrouver parmi les nations une considération qu'elle a pour le moment totalement perdue. Or, comme je l'ai déjà indiqué, c'est sous la domination chaotique des seigneurs de la guerre, dont cet ouvrage offre un témoignage polémique, mais polémique et intéressant pour cette raison même, c'est sous la domination des seigneurs de la guerre, dont il n'est ni très aventureux ni très original de dire que, en effet, ces conséquences ont été presque exclusivement négatives. C'est sous cette domination qu'ont été mis au point les premiers projets de modernisation de l'irrigation au Guangzhou, et qu'à un moment, l'on a même pu croire que ces projets étaient sur le point d'être réalisés. C'est donc l'histoire de cette domination, ce qui veut essentiellement dire celle des affrontements, ayant opposé les divers régimes militaristes qui ont essayé de contrôler le Shanxi, y compris d'ailleurs ceux d'entre eux qui avaient des prétentions, si l'on veut, de gauche ou révolutionnaires. C'est donc cette histoire extrêmement compliquée que je vais aujourd'hui essayer de vous exposer, au moins dans ses grandes lignes, puisqu'elle a des implications directes pour notre sujet. Et ceci donc me conduit à revenir un bref moment sur la question des sources. Je le précise tout de suite, puisque je viens d'en parler, en dehors de quelques indications éparses et de quelques récits portant sur des événements tout à fait circonscrits, le texte publié en 1931 par Krankengo n'est pas vraiment utile pour reconstituer cette histoire. Je veux dire pour établir les faits, donner un tant soit peu de structure à la période, pour savoir qui était au pouvoir à quel moment, ce que ce pouvoir contrôlait exactement et quels étaient ses rivaux, et ainsi de suite. Pour tout cela, ce texte est trop général, trop dispersé dans son approche et sans doute trop systématiquement excessif dans sa dénonciation des abus de toutes sortes qu'il impute aux seigneurs de la guerre. Donc il est trop tout cela pour nous renseigner précisément. En outre, sans compter un assez bon nombre d'erreurs factuelles, il passe sous silence une quantité de faits et ignore une quantité de personnages qui sont pourtant au centre de l'histoire du Nord-Ouest entre 1920 et 1930, alors que c'est là le sujet du livre. Et cela est particulièrement vrai de l'histoire du Shanxi central, donc du Guangzhou, qui est bien sûr notre sujet. Sur l'histoire des seigneurs de la guerre en général, il existe un nombre non négligeable d'études et de monographies, pratiquement toutes publiées aux États-Unis, que les historiens connaissent bien et dont je mentionnerai d'ailleurs l'une ou l'autre en cours de route. Ces travaux sont absolument indispensables pour mettre en contexte les événements dont je vais parler. Mais pour comprendre ce qui s'est passé exactement au Shanxi, il s'avère, eux aussi, ces travaux d'une utilité tout à fait limitée. La raison, probablement, c'est que, en dehors de quelques épisodes particuliers, le Shanxi est resté une région largement périphérique par rapport au théâtre où s'affrontaient les principaux seigneurs de la guerre et les coalitions sans cesse changeantes qu'ils constituaient. Et il en est de même par rapport à leurs objectifs. Lesquels objectifs étaient principalement, je le rappelle, le contrôle du pouvoir, premièrement le contrôle du pouvoir central à Pékin, ou de ceux qui en tenaient lieu, mais la charge symbolique était forte, et puis c'était le seul pouvoir que les étrangers reconnaissaient. Deuxièmement, deuxième objectif des seigneurs de la guerre et de leur coalition, le contrôle des grandes provinces de la Chine intérieure et de leurs ressources. Et enfin, sur un plan plus stratégique, le contrôle des voies ferrées. Or, il n'y avait pas un seul kilomètre de voies ferrées au Shanxi, du moins pas avant que la grande ligne transversale du Longhai ait été prolongée depuis Tongguan, donc à la frontière du Shanxi, jusqu'à Xi'an. Le long rail, c'est bien sûr la grande ligne est-ouest qui aujourd'hui va jusqu'au Xinjiang, je crois, hein, jusqu'au milieu du Xinjiang. Donc rail, c'est la mer, bien sûr, donc à l'est, et long, c'est le nom littéraire de la province du Gansu. Donc ça devait être une ligne depuis la côte jusqu'à Lanzhou, jusqu'à la capitale du Gansu. Mais le tronçon, disons, qui entre au pénètre au Shanxi jusqu'à Xi'an, donc encore une fois, n'a été achevé qu'en 1935, en fait. Si bien que, là encore, du fait que ces objectifs concernaient la Chine centrale essentiellement, là encore, nombre d'acteurs et d'événements qui sont d'une importance tout à fait grande concernant le sujet dont je suis en train de parler, ne sont même pas mentionnés dans ces monographies anglo-saxonnes sur les principaux seigneurs de la guerre, Ou alors, ces acteurs et ces événements le sont, mais avec pas mal d'erreurs et d'approximations. Donc tout ça à cause de ce caractère relativement périphérique de la région qui nous intéresse. Pour tenter d'y voir plus clair, il nous faut donc nous tourner vers d'autres sources. Celles-ci sont en chinois et elles sont consacrées soit à la région qui nous intéresse, c'est en particulier le cas de toute une série d'articles et de témoignages publiés donc dans les Wenshuziliao, soit à certains personnages connus, originaires du Shanxi le plus souvent, qui ont joué un rôle important dans l'histoire agitée de la province pendant toute la période concernée. Et ces travaux biographiques sont soit, suivant les cas, des contributions du même type, donc publiées dans les Wenshuziliao, des articles en général de 10 à 15 pages, soit des biographies publiées sous forme de livres plus récemment, mais qui, elles aussi, s'appuient en bonne partie sur des témoignages et sur des souvenirs dont le ton me semble finalement assez voisin de ce qu'on trouve dans les Wenshuziliao. Mais c'est surtout de ces derniers que je voudrais en fait parler, car leurs contributions sont beaucoup plus détaillées, je dirais même qu'elles sont détaillées jusqu'à l'excès sur ce qui nous intéresse. Je prétends bien sûr pas avoir extrait des Wenshuziliao tout ce qu'on peut y trouver sur l'histoire du Shanxi ou du Guangzhou pendant la période des seigneurs de la guerre. Les premiers textes qui me sont arrivés entre les mains, je les dois à ma collègue, donc Madame Xiaoplan, qui était tombée dessus au cours de ses propres recherches et qui me les avait communiqués au moment où je commençais à travailler sur cette question, il y a 3-4 ans à peu près. Pour le reste, et comme je l'ai d'ailleurs déjà signalé, je me suis servi de l'index général des Wenshuziliao pour repérer les textes portant sur les questions qui m'intéressaient, que j'ai pu ensuite me procurer grâce à l'aimable collaboration de mes collègues du séminaire de sinologie de Heidelberg, qui possède la collection complète numérisée. Mais même ainsi, on n'est pas sûr de tout trouver, car c'est une collection véritablement proliférante, avec toutes sortes de réimpressions, d'anthologies, etc. Et de plus, l'organisation de l'index est plutôt compliquée. Mais dans tous les cas, pour caractériser en général les contributions que je connais donc, et j'en connais maintenant pas mal, des Wenshuziliao portant sur l'histoire du Shanxi au début de la République, il me semble qu'on peut dire les choses suivantes. D'abord, comme je viens de le dire, c'est extraordinairement détaillé. Bon nombre d'articles portant sur des sujets particuliers, tel épisode, tel personnage, etc., sont littéralement bourrés de noms, de personnages et de lieux, de dates précises, d'anecdotes, etc., dont on se demande d'ailleurs souvent comment la mémoire des auteurs, quelques 40 ans plus tard, après les faits, donc, a bien pu les conserver. Et il semble en fait qu'il y ait eu, je soupçonne qu'il y a souvent eu un certain travail de recherche documentaire qui était peut-être confié aux personnes dont il est parfois dit, à la fin de l'article, qu'elles ont tenu la plume, Chubby, c'est-à-dire qu'elles ont en fait rédigé le texte sur récit oral de la personne qui signe comme auteur. Mais, justement, même s'il déborde de faits dont on n'a pas de raison a priori de suspecter l'authenticité, les textes des Wenshuziliao ne sont pas à proprement parler, et même pas du tout, des travaux d'historiens. Ce sont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, des matériaux, en principe sortis de la mémoire de leurs auteurs, mais évidemment partiels, et surtout partiaux. Il y a une sélection manifeste des faits au milieu de tout ce foisonnement, une sélection qui découle non pas nécessairement d'une quelconque volonté de falsification, mais tout simplement du fait que la mémoire est, par définition, sélective, parce que informée rétrospectivement par la vie, par les expériences et par les convictions de celui qui se souvient. Dans le cas des Wenshuziliao, autant que je puisse en juger, ces convictions, du moins telles qu'elles s'expriment dans les textes publiés, se conforment toujours plus ou moins aux mêmes orientations, ce qui, après tout, n'est guère surprenant. Je veux dire que les bons et les méchants sont faciles à identifier, ou pour l'exprimer autrement, qu'on échappe rarement à un certain manichéisme dans lequel on a d'un côté les éléments progressistes et donc bons, inspirés suivant les cas par les idées et les combats de Sun Yat-sen ou par ceux des communistes et de leurs compagnons de route ou par les deux à la fois, et de l'autre les éléments réactionnaires et donc mauvais. Et cette fois, bien sûr, ce sont ceux qui suivent les seigneurs de la guerre et plus tard le Kuomintang, lequel a toujours trahi les idéaux de Sun Yat-sen, même s'il n'a jamais cessé de s'en réclamer. Donc, en résumé, des textes bourrés d'informations précises et de détails, et en fait à un niveau que l'on ne trouve jamais dans les autres sources, et donc le plus souvent plutôt vivant et concret à lire. mais aussi des textes qui ne cherchent pas nécessairement à dire tout et qui sont d'un assez grand conformisme idéologique. Et de fait, même si les auteurs des Wenshenzeliao étaient supposés venir de la société civile, entre guillemets, comme nous l'avions vu, c'est-à-dire, en l'occurrence, de l'extérieur de l'appareil du Parti communiste, je n'en suis pas moins frappé de la facilité avec laquelle ils manient presque tous la langue de bois du régime. Il est vrai, d'un autre côté, que dans les années 1960 et 70, c'était, pour tout un chacun, la seule manière correcte de s'exprimer. Mais en fin de compte, ce sont les informations et les détails, ne serait-ce que les noms et les dates, qui m'importent ici, et ils m'ont beaucoup servi pour établir l'historique des faits que je vais entreprendre de vous exposer dans un instant. J'ajoute malgré tout que les détails, comme on sait, on risque toujours de s'y noyer, et que c'est particulièrement vrai avec les contributions des Wenshenzeliao. La raison à cela, c'est que ces contributions sont, dans la presque totalité des cas, consacrées à des sujets limités, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des événements, des individus particuliers, si bien que pour extraire une vue synthétique, même d'une aussi courte période que, disons, 1920-1930, dans cette région limitée, il faut arriver à connecter tous ces détails, à résoudre certaines contradictions, et aussi à suppléer certains éléments manquants. Pour y venir enfin, donc, je vais à partir de là vous exposer l'histoire politico-militaire du Shanxi et plus spécialement celle de la région centrale du Guangdong, telle que j'arrive à la reconstituer entre le lendemain de la révolution de 1911 et l'installation définitive d'un gouvernement provincial nationaliste à la fin de 1930. Tout cela devant bien sûr servir d'arrière-plan au projet de modernisation hydraulique de Li Jue et d'autres, ainsi d'ailleurs qu'aux campagnes de lutte contre la famine conduites par des organisations gouvernementales ou philanthropiques, tout sujet dont vous avez d'ores et déjà une première idée et que je reprendrai plus en détail en les replaçant systématiquement dans leur contexte. J'en profite d'ailleurs pour annoncer à l'avance comment je conçois le reste de mon exposé, dont l'organisation n'est pas facile à décider. L'historique des années 1920 que je m'apprête à entreprendre nous conduira ensuite à la famine de 1928 à 1930 et à l'installation définitive du pouvoir nationaliste dans la région et aux travaux proprement dits du canal Tinghui, dont j'examinerai également l'impact sur l'économie et la société locale. Donc toutes ces choses, je vous en ai déjà donné une première idée, mais il y a énormément à entrer dans le détail et dans le concret. Je consacrerai donc des exposés circonstanciés à toutes ces questions, ainsi qu'à deux grands sujets en relation avec elles, sur lesquels je vous ai également déjà livré quelques éléments. D'abord, je reprendrai en détail la question de l'organisation et du fonctionnement interne de la CIFRC, ainsi que l'Association internationale de lutte contre la famine en Chine, ainsi que des débats théoriques et des conflits de personnes dont elle a été le lieu. Et de là, je m'intéresserai plus généralement aux problèmes de la philanthropie en Chine à cette époque, aussi bien internationale que chinoise, et on a vu tout à l'heure qu'il y a, semble-t-il, beaucoup à dire là-dessus. Et en particulier, j'analyserai les débats parfois très polémiques qui ont tourné autour des missions de la philanthropie et des modes d'action les plus souhaitables. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, partant de Todd et de son département d'ingénierie à la CIFRC, je consacrerai un certain temps au milieu des ingénieurs étrangers et chinois au début de la période républicaine, donc sur lequel j'ai déjà offert quelques suggestions, ainsi que aux spécificités très intéressantes que l'on observe dans la conduite des programmes de travaux publics en Chine à la même époque. Et enfin, en guise d'épilogue, j'évoquerai les effets qu'a eu sur la collaboration sino-américaine en matière d'ingénierie et de grands travaux, et de philanthropie d'ailleurs, l'entrée en scène de la Commission économique nationale du Kuomintang et des experts de la Société des Nations à partir du début des années 1930. Et je conclurai avec quelques considérations sur le rôle des ingénieurs de la SDN travaillant en Chine au début de la guerre du Pacifique, lorsque les Américains sont partis, en tout cas ceux que nous connaissons, et jusqu'à la disparition de facto de la Société des Nations au moment où la guerre éclate en Europe. Mais nous n'en sommes pas encore là, et à présent donc je reviens à la période des seigneurs de la guerre au Shanxi. Pour la caractériser en quelques mots, et d'une manière certainement très simplificatrice, je dirais que l'histoire politique et militaire de la région entre 1911 et 1930 se présente comme une succession serrée, je veux dire avec assez peu de répit, une succession serrée de conflits tournant autour du contrôle de Xi'an et de son hinterland. En effet, le nord et le sud de la province, qui présentent des écologies assez différentes, connaissent à cette époque des histoires relativement indépendantes. Tout tourne autour donc du Guangzhou, en fait. Et je dirais encore que ces luttes ou ces conflits opposent des forces qui se proclament, suivant les cas, loyales au pouvoir en place à Pékin, ou dans tous les cas au service du maintien de l'ordre, ou au contraire révolutionnaires, entre guillemets. Les objectifs, les enjeux et les idéaux proclamés pouvaient donc être différents. Mais il n'en semble pas moins vrai que, le plus souvent, le comportement des forces en présence était assez semblable. En fin de compte, du point de vue des populations, il s'agissait toujours de militaires affamés vivant sur le pays et dont les intérêts stratégiques primaient sur tout le reste. Tout cela reste très général, je l'admets, mais avant d'y voir de plus près, j'ajouterai encore une autre caractéristique importante de ces batailles pour le contrôle local, c'est que si les batailles en question se déroulaient en effet dans un cadre strictement régional, et de plus, comme on l'a vu, dans une région située plutôt à l'écart des grands centres du pays, et si elles opposaient des acteurs dont la plupart étaient d'origine locale et défendaient ou affirmaient défendre des intérêts locaux, et j'ajoute que les victimes collatérales, pour le coup, étaient toutes des victimes locales, en dépit de tout cela, donc, les adversaires n'en restaient pas moins connectés par divers moyens, dont le télégraphe n'était pas le moins actif, avec le reste du pays, et n'en répondaient pas moins à des forces extérieures à la région. Pour n'en donner qu'un exemple, dès 1917, d'obscurs officiers du Guangzhou sont en contact avec Sun Yat-sen à Shanghai ou à Canton. Sun Yat-sen qui leur décerne des titres ronflants du genre général chargé de reconquérir le Shanxi, dans le but de les associer à son entreprise de résistance au pouvoir du Beiyang, incarné par Yuan Shikai et par ses héritiers, et à terme de reconquête du pays. Comme nous l'avons vu, cette reconquête sera plus ou moins accomplie, mais après la mort de Sun Yat-sen, en 1930. De ce point de vue, l'armée de pacification du pays, c'est-à-dire la Tingwotun, dont j'ai beaucoup parlé, qui est active dans le Guangzhou pendant à peu près 4 ans, presque 4 ans, à partir de 1918, Tingwotun, donc cette armée de pacification du pays, de ce point de vue, était, au moins jusqu'à un certain point, une création à distance de Sun Yat-sen. Et de façon symétrique, les principaux militaristes de droite, si l'on peut dire, qui ont exercé ou cherché à exercer le pouvoir à Xi'an dans ces années, recevaient du gouvernement de Pékin des titres de gouverneur ou de pacificateur, ainsi que des ordres de marche, ou alors ils les recevaient non pas de Pékin directement, mais des seigneurs de la guerre les plus puissants, prétendant parler au nom du gouvernement, ou même incarner eux-mêmes le pouvoir légitime. Dans les contributions des Wen Shiziliao et dans l'historiographie chinoise, dont j'ai dit un mot rapide tout à l'heure, Chen Shufan est l'archétype du seigneur de la guerre, réactionnaire, borné, rapace et manœuvrier. Il pourchasse les progressistes et les révolutionnaires, lui aussi. Il écrase le peuple d'impôts et de réquisitions, bien sûr. Il est à cette époque un des promoteurs les plus ardents de la culture du pavot, donc de l'opium, en principe illégal, mais qui rapportait des sommes énormes. Sous forme à la fois de taxes et d'amendes, je reviendrai sur cette question, et ainsi de suite. Il faut croire malgré tout qu'au début au moins il n'était pas totalement hostile aux éléments progressistes de la province, puisqu'on apprend dans un des textes autobiographiques de Li Jue, de nouveau, que son père, revenu à Xi'an après l'expulsion de Lu Tianzhang, était devenu conseiller au siège du gouverneur militaire. Il est vrai, sans enthousiasme, et dit Li Jue, en faisant le moins possible. Quoi qu'il en soit, à partir de l'automne 1917, des mouvements de rébellion armée se déclarent en plusieurs endroits du Guangzhou et à Xi'an même. La plupart de ces mouvements de rébellion sont conduits par des officiers locaux mécontents, dont certains complotent avec les encouragements de l'infatigable Sun Yat-sen, encouragements prodigués lors d'entrevues avec des émissaires venus du Shanxi et se déroulant à Shanghai ou à Canton. Je n'ai pas de raison de m'attarder ici sur le détail de toutes ces affaires, sur les très nombreux personnages impliqués, sur les marches et contre-marches, des contingents entrés en dissidence et des troupes officielles envoyées contre eux par Chen Shufan et plus tard par son allié Liu Zhenhua, dont je vais parler tout de suite, sur toute la propagande par télégramme, sur les doubles jeux, les trahisons, les retournements d'alliances et les coups tordus en tout genre, comme par exemple certaines tentatives de détournement de convois d'armes et de munitions, voyageant sous escorte depuis les ports ou les manufactures de la côte est et en route pour des clients au Xinjiang, la vallée de l'Hawaï étant était la voie de passage obligée vers le Gansu et l'Asie centrale, pour qui acheter des stocks de munitions, et c'était donc tentant de se servir au passage, etc., etc. Toutes choses dont les récits des Wenshizhi Liao nous parlent d'abondance, et non d'ailleurs sans contradictions occasionnelles. L'important ici, c'est que ces mouvements vont assez vite se fédérer sous la bannière de l'armée de pacification du pays, donc cette Tsingguotun dont j'ai déjà parlé, laquelle se situait dans la mouvance, nous l'avons vu, des mouvements de protection du pays Ruguo, et ou de protection de la constitution Rufa, encouragée par Sun Yat-sen et ses associés depuis leur base à Canton. Donc c'est Rufa, c'est protection de la légalité ou de la constitution, et le même donc Ruguo, donc il y a des Ruguotun, armée de protection du pays, etc. Donc tous ces mouvements sont anti-Beiyang et anti, d'abord Yuan Shikai et ensuite anti-Beiyang, anti-seigneur de la guerre. C'est important donc de signaler cette fédération sous forme de Tsingguotun, donc sous le nom de la Tsingguotun, car d'une part, l'assemblage passablement hétéroclite de chefs et de corps de troupes se réclamant de cette Tsingguotun, sans avoir jamais réussi à s'emparer de Xi'an, a plus ou moins contrôlé jusqu'au début de 1922 de larges secteurs de la plaine du Guangzhou, au nord de la rivière Wei, Xi'an étant au sud bien sûr, et plus particulièrement le périmètre d'irrigation, largement potentiel à cette époque, il est vrai, de ce qui était encore le canal Longdong. Et d'autre part, c'est important de mentionner cela parce qu'assez vite, les chefs de la Tsingguotun, qui avaient subi plusieurs défaites et qui n'étaient que trop conscients de ce que leur division et l'indiscipline générale qui en résultait rendaient le mouvement extrêmement vulnérable, ont décidé de se placer sous le commandement unique d'une personnalité, ont décidé donc dès 1918, de se placer sous le commandement unique d'une personnalité progressiste, jouissant d'un certain prestige dans la région, mais qui n'y résidait pas à ce moment, et que cette personnalité, que nous avons déjà plusieurs fois rencontrée, n'était autre que Yu Youzhen. Les débuts du mouvement de la Tsingguotun avaient pourtant été marqués par un certain nombre de succès. Les ralliements s'étaient succédés, comme celui notable de Ru Tingyi, le futur seigneur de la guerre dont j'ai parlé tout à l'heure, lequel avait été chargé par Chen Shufan de diriger les opérations contre les rebelles au nord de la Wei, mais avait finalement fait défection, ce qui lui vaut d'ailleurs aujourd'hui d'être compté au nombre des fondateurs de la Tsingguotun, ce qui n'est pas exactement. Au début de 1918, selon certaines sources, le mouvement englobait les deux tiers des forces militaires de statut plus ou moins régulier, par opposition aux bandits purs et simples, s'entend, opérant au Shanxi, c'est-à-dire pour la plus grande partie dans la région centrale, donc au Guangzhou. Le lieu de ralliement est Sanyuan, l'une des trois sous-préfectures du périmètre d'irrigation du Weibei, mais justement, c'est un centre plus symbolique que véritablement opérationnel, car les divers chefs de corps participant au mouvement sont extrêmement jaloux de leur indépendance et sensibles aux questions de préséance. La Tsingguotun, à ce moment-là, n'a rien à voir avec une armée structurée et hiérarchisée, fût-elle révolutionnaire. C'est bien plutôt un agrégat de militaristes locaux peu coordonnés entre eux, chacun à la tête de troupes exclusivement à sa dévotion. Certains d'entre eux vont se risquer à attaquer Xi'an, où Chen Shufan s'est plus ou moins retranché. En effet, le contrôle qu'il exerce sur la province, dont il est supposé être le gouverneur militaire, qui n'a jamais été très étendu, est alors à son point le plus bas. Mais ces assauts contre Xi'an souffrent d'une absence de commandement unifié. En effet, comme les chefs ne veulent pas recevoir d'ordres les uns des autres, chaque mouvement de troupes doit d'abord être négocié au quartier général de Sanyuan. Il faut quand même traverser la Wei, on perd tout de suite une journée pour une opération. Parmi les leaders de la Tsingguotun qui ambitionnent de s'emparer de Xi'an, on cite en particulier le nom d'un certain Zhang Yan, qui était à l'origine un paysan pauvre de Fuping, toujours dans la même région, dont la carrière militaire avait débuté lorsqu'il s'était engagé dans la nouvelle armée à la fin des Qing. Or, c'est un type de parcours qu'on retrouve chez plusieurs autres personnages de notre histoire, à commencer par Yang Hucheng, le futur président du gouvernement provincial du Shanxi, encore que Yang Hucheng avait débuté non pas comme soldat, mais comme bandit. Si Zhang Yan est célébré dans l'historiographie actuelle comme un des héros du mouvement de la Tsingguotun, et si sa réputation est libre de toute tâche, telle que ses retournements de veste ou ses négociations avec les deux côtés qui était le pain quotidien de tant de ses collègues, cela tient certainement au fait qu'il est mort au combat très tôt, d'une part, et d'autre part que, à en croire du moins la tradition, c'est lui qui aurait adjuré ses compagnons, juste avant de mourir, de faire appel à Yu Jun pour sauver le mouvement. L'échec de Zhang Yan et de ses compagnons lors de leur tentative pour chasser Chen Shufan de Xi'an en février 1918 s'explique par un développement qui a eu des conséquences importantes sur l'histoire de la région du Guangdong dans les années 1920. C'est que Chen Shufan, qui se sentait sérieusement menacé par la combativité des troupes de la Tingoutune et plus spécialement par les plans de leur chef pour s'emparer de la capitale de sa province, de Xi'an, avait pris la décision lourde de conséquences d'appeler à son secours un autre seigneur de la guerre, basé, lui, dans l'ouest du Henan, dans la région de Luoyang, qui n'est pas très éloigné du Shanxi, en lui offrant le poste de gouverneur civil de la province, donc de Shengjiang. Et ce seigneur de la guerre, c'était donc Liu Zhenhua, dont j'ai mentionné déjà le nom. La manœuvre avait été facilitée, donc le faire appel comme ça à Liu Zhenhua et lui dire « Je vous offre le poste de gouverneur civil, donc de Shengjiang, bien sûr ». Cette manœuvre avait été facilitée par le fait que Liu Zhenhua, comme Chen Shufan, était un membre de la clique Han Fu et, de ce fait, un protégé du premier ministre Duan Xijue, qui l'avait aussitôt confirmé dans le poste de gouverneur civil du Shanxi. Liu Zhenhua s'était donc empressé d'entrer au Shanxi, toujours par la passe Tongguan, bien sûr, par Tongguan, à la tête de ses propres troupes, appelée la Zhensongjun, donc l'armée, littéralement, qui occupe Song, appelée ainsi parce que les troupes qui dépendaient de Liu Zhenhua au Henan étaient disposées ou occupaient une zone donc dans l'ouest de la province qui était située autour d'une montagne assez connue qui s'appelle le Songshan. Donc c'est pourquoi c'était la Zhensongjun. Et ces troupes, non seulement venaient du Songshan, mais elles étaient notoires non seulement pour leur efficacité, mais aussi pour leur férocité et pour les exactions à l'encontre et pour leurs exactions à l'encontre des populations civiles. Et sans vouloir anticiper, nous verrons que Liu Zhenhua cumulera un peu plus tard les fonctions de gouverneur civil et militaire du Shanxi, et qu'il sera à ce titre l'employeur de Li Jue, qu'il quittera la province avec ses troupes en 1924 pour participer à la deuxième guerre entre les cliques du Fengtian et du Zheli, où il se fera d'ailleurs battre par Routigny, justement, et enfin qu'il reviendra en 1926 pour mettre le siège autour de Xi'an pendant 8 mois. Je reparlerai de tous ces événements qui ont des incidences sur tout ce dont nous parlons. De fait, l'entrée au Shanxi de Liu Zhenhua et de son armée renverse l'équilibre des forces au détriment de la Tingoutune. Et d'abord, elle permet de relâcher la pression sur Xi'an, et c'est donc au cours des combats qui se déroulent pendant la retraite des forces rebelles vers Sanyuan que Zhang Yan est mortellement blessé en mars 1918 et qu'il aurait donc suggéré de faire appel à Yu Jun. Après la mort de Zhang Yan, c'est Routigny qui devient le leader le plus influent de la Tingoutune, au moins sur le plan militaire. Yu Jun, je le rappelle, et pour revenir à lui, était originaire de Sanyuan, donc, qui était, comme nous venons de le voir, le point de ralliement des forces rassemblées sous la bannière de la Tingoutune. Dès avant 1900, il avait acquis le titre prestigieux de licencié dans l'ancien système académique, et il avait été un moment le condisciple de Li Jue dans une académie à Sanyuan, toujours avant de fonder une école secondaire progressiste dans une autre sous-préfecture du Guangdong, où il avait invité Li Jue à venir enseigner. Mais, je crois que nous l'avions vu, il s'était engagé de façon trop peu discrète dans l'opposition anti-Mandchou, et il avait dû s'enfuir à Shanghai. Et ceci, c'était donc en 1904. Dès 1905, il avait rencontré à Shanghai Sun Yat-sen, et il était devenu un participant actif du mouvement révolutionnaire fondé la même année par ce dernier, c'est-à-dire cette ligue jurée, la Tongmenghui, que j'ai mentionné tout à l'heure. Mouvement qu'il avait suivi, en même temps que Sun Yat-sen lui-même, dans ses pérégrinations au Japon, à Shanghai, et finalement à Nankin, au moment de la mise en place du premier gouvernement républicain, après la révolution de 1911. Mais en 1918, lorsqu'une délégation envoyée par les chefs de la Tingoutune vient le voir depuis le Shanxi à Shanghai et lui demande de revenir au Shanxi, prendre la direction du mouvement, il s'est quelque peu coupé de la politique et se consacre plutôt à la calligraphie, où il a eu toute sa vie une très grande réputation, et à des travaux littéraires. Pourtant, il se laisse assez facilement convaincre, car son vieux mentor et associé politique, Sun Yat-sen, faisait déjà pression sur lui pour qu'il retourne au Shanxi afin d'y promouvoir la révolution. Yu Yuzhen arrive donc à Sanyuan au terme d'un voyage quelque peu agité en août 1918 et il est aussitôt nommé commandant en chef, donc Zhong Seling, de l'armée unifiée de pacification nationale du Shanxi, nouveau nom de la Tsingotun. Et là, bien qu'il ne puisse se prévaloir d'absolument aucune expérience militaire, il réussit remarquablement bien. Il réorganise la Tsingotun en 6 routes, des loups, qui sont en fait des secteurs militaires, si vous voulez, donc en 6 routes, dont il confie le commandement à des chefs qui sont pour la plupart des anciens du mouvement. Mais en même temps, il n'en réussit pas moins à la fois à ménager leur susceptibilité et à s'assurer de leur discipline. On peut noter au passage la présence d'un officier promis à un grand avenir dans la province, au terme d'une carrière d'ailleurs extrêmement mouvementée, mais qui n'occupait alors qu'une fonction tout à fait subalterne dans une des routes, et ce personnage n'est autre que Yang Wucheng, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Forte de cette discipline nouvelle, en l'espace de seulement 3 mois, la Tsingotun, réorganisée et placée sous le commandement général de Yu Yuzhen, étend sa sphère d'influence à 14 sous-préfectures du Guangzhou, avec une population qui a pu atteindre 3 millions d'habitants, qui échappe donc complètement au contrôle du gouvernement provincial qui est situé à Xi'an, juste de l'autre côté de la rivière. En fait, celui-ci ne tient dans la région qu'une étroite bande de terrain à ce moment-là, qu'une étroite bande de terrain le long de la route qui relie Xi'an à Tongguan et aux provinces centrales. Jusque vers la fin de 1921, la Tsingotun réussira, avec des hauts et des bas, à tenir en échec les forces de Chen Shufan et de Liu Zhenhua. L'ambition du mouvement était à terme, bien sûr, de pacifier, comme on dirait, la totalité du, comme on disait à l'époque, Ping, la totalité du Shanxi et le nord du Hubei, c'est-à-dire en fait de s'en emparer, tout en restant en liaison avec les forces favorables à Sun Yat-sen, basées dans le sud de la Chine. Duan Xijue, le patron politique de Liu Zhenhua et Chen Shufan, était encore Premier ministre. Pour que le dit gouvernement donc réussisse, dès l'hiver 1918-1919, à convaincre les gouverneurs militaires ou les certains seigneurs de la guerre de 8 provinces, du nord et du centre, 8 en comptant l'armée renanaise de Liu Zhenhua et les forces du Shanxi contrôlées par Chen Shufan, qui sont déjà sur place, de se coaliser pour aller attaquer la Tsingotun au Shanxi. Et de façon intéressante, et je m'arrêterai ici, de façon intéressante, le problème du Shanxi et de sa dissidence révolutionnaire alliée au sud semble avoir été une véritable pomme de discorde au cours des pourparlers de paix entre le gouvernement du Nord et les régimes séparatistes du Sud et du Sud-Ouest, pourparlers de paix organisés à Shanghai à la fin de février 1919 par le nouveau président de la République, Xu Shichang. Xu Shichang est un peu marginal dans cette histoire, même tout à fait. Mais c'est quand même un personnage intéressant, et pour lequel j'ai sinon un faible, du moins un intérêt particulier, car, le croiriez-vous, il est docteur honoris causa de la Sorbonne, et a fait une visite très intéressante en 1920 à Paris. Donc il vient d'être nommé président de la République et essaye de réconcilier finalement tous les régimes qui se entre-déchirent en Chine. Mais au cours de ces négociations, enfin de ces discussions, pour les représentants du Nord, les troupes de Yu Yuzhen ne sont que des bandits locaux, des Tu Fei. Et le mot Fei a une très grande force à ce moment-là. C'est, par exemple, plus tard, les communistes seront toujours les bandits communistes, les Gong Fei. Et là, on a affaire aux Tu Fei, donc des bandits locaux qu'il convient tout à fait et qu'il est tout à fait légitime d'envoyer des troupes des coalitions du Zheyi et du Fengtian, comme on a déjà décidé de le faire d'ailleurs, pour les anéantir. Tiaofei, c'est encore une de ces expressions d'origine impériale pour anéantir toute espèce de rebelles. Néanmoins, une mission de conciliation sera envoyée au Shanxi avec pour objectif d'arrêter les combats et de délimiter une frontière stable entre le gouvernement de Xi'an et ses adversaires de la Tsingotun. Mais cette mission échoue complètement à cause de l'intransigeance des révolutionnaires qui s'estiment défavorisés par l'arbitrage proposé. L'année 1919 est par conséquent particulièrement difficile pour les forces de Yu Yuzhen et de ses lieutenants. Les appels au secours lancés aux forces méridionales, en principe fidèles à Sun Yat-sen, restent virtuellement sans effet, et aussi bien Sun Yat-sen a suffisamment de difficultés de son côté. La Ting Wotun est isolée au nord de la Wei et manque de vivres et de munitions, contrairement à ses adversaires, envoyés par les coalitions du Nord et du Fengtian, et de ce fait, elle doit résister dans des conditions que nos sources nous décrivent comme héroïques. En revanche, la situation s'améliore un peu dans la deuxième moitié du 1920, et cela, et c'est là que je m'arrêterai, cela en réponse en quelque sorte à des développements nationaux, si vous voulez, dans les affrontements entre seigneurs de la guerre, qui serait trop compliqué d'entreprendre d'expliquer maintenant, mais que sur lesquels je reviendrai donc au début du prochain cours, qui me permettra donc de poursuivre sur l'histoire de ce mouvement, dont nous verrons donc les répercussions sur les problèmes de modernisation de l'hydraulique et de lutte contre la famine, qui sont au centre de mon exposé. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. France Culture. Qu'est-ce que c'est? Un disque. Combien coûte ce disque? La radio est une voix qui parle à une oreille. Il coûte 500 francs. Je coûte France Culture. La radio bouge. La radio n'est qu'au mouvement. Sa seule voix, la voix. Attention, Sunset by Postal, France Culture. France Culture vous présente. Le nom sur le bout de la langue, trois contes de Pascal Quignard, du 12 mai au 4 juin, au Théâtre de la Bastille, à Paris. Trois contes où Pascal Quignard plonge dans sa biographie et dans notre culture pour analyser ces moments de stupéfaction où nous disparaissons dans le mystère de la langue. Marie Vial met en scène et joue ces mots qui viennent, restent, repartent. Le nom sur le bout de la langue, de Pascal Quignard, un spectacle de et avec Marie Vial, au Théâtre de la Bastille, à Paris, du 12 mai au 4 juin, avec France Culture. France Culture, partenaire. Hysteria, un spectacle issu de l'une des troupes les plus innovantes de la scène brésilienne, du 18 au 28 mai, au Théâtre 71 de Malakoff. Extrait d'une histoire vraie, les cinq personnages d'Hysteria se font l'écho de ce qu'on avait coutume d'appeler l'hystérie féminine. La complicité est la pierre angulaire de cette mise en scène. Le public masculin est séparé du public féminin qui seul est invité à réagir avec les actrices. Hysteria, avec le groupe 19 de Théâtre de Sao Paulo, du 18 au 28 mai, au Théâtre 71 de Malakoff. Culture, partenaire de Radio Néo. Avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver. Sarolasem, flash de renoncer, j'étais stressante. Culture, tu me lis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Votre soirée sur France Culture dans quelques instants à 22h30, surpris par la nuit, mat ou brillant, émission spéciale Légende Leica. L'histoire de cette grande marque allemande, sa technologie, son mythe répandu par les collectionneurs et le devenir de Leica avec le numérique. Photographes, techniciens, journalistes et collectionneurs racontent. Minuit. Du jour au lendemain, invite Betty Mindlin pour son livre paru chez Métellier, Fricassé de Marie.